tous les dimanches. Une heure de son 100% rail. Avec DJ K sur Skyrock. C'est Rail Suprême. Passez une bonne soirée et bienvenue sur Skyrock le dimanche soir. C'est DJ K's Rail Suprême. Comme tous les dimanches. Mm-hmm. Après une grosse semaine dans Planète Rap, tu es là de retour. Une belle tu semaine. Tu as maqué la semaine. C'est ça. Ça va, tout va bien? Limite campé ici. Oui, c'est vrai, presque. Presque avant de repartir en tournée puisque tout le mois d'août c'est blindé. Tout le mois d'août c'est blindé, début septembre. Et donc la sortie de l'album, c'est déjà sur iTunes. C'est ce que j'allais dire. C'est ça y est, coup d'envoi, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir maintenant. Dès maintenant, ouais. Dès maintenant, c'est la nuit DJ K's. C'est ça. Je veux voir que du DJ K's sur les réseaux sociaux avec le hashtag DJ K's sur Skyrock. C'est ça. Le hashtag Rail Suprême, le hashtag c'est Pony, hein, vous. Pony, ouais. Paris, Pony, Oran, New York. Voilà, l'album est sorti et dès maintenant, vous pouvez vous le procurer. Bon, bah, c'est la nuit de l'album de Paris, Oran, New York. Mm-hmm. Je suppose qu'il y aura plein d'extraits. Exactement. On va mettre un max d'extraits. Ça va être autour de l'oriental et de l'urbain. Donc, ça va être. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, là, c'est dans les bacs digitales, là, depuis quelques minutes. Oui. Et dès aujourd'hui, ceux qui veulent aussi en support physique, ça existe, hein. Bien sûr, ouais, en Fnac, Carrefour, il est partout, disponible partout. Faut juste attendre l'ouverture. Voilà. Tout à l'heure. À 9h, vous pointez, c'est bon. Allez, coup d'envoi, on y va ? Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ K's. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit, 1h, avec Fred pour 1 heure de mix de folie. DJ K's, DJ K's, DJ K's, DJ K's, DJ K's, DJ K's, DJ K's, DJ K's. DJ guys, DJ guys, Paris, Oran, New York, Rimgang, c'est Rail Suprême, Skyrock, Paris, Marseille, sous la cartouche, 9-4, fond vert. Rien à foutre, juste nous mets comme équipe sur le casque. Arrête, me calcule pas, je suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil, je donne toujours en bande. Dans la poche, le grand d'arrêt. Poursuite entamée, ça coupe sur la bande d'arrêt. Je suis genouillé, j'ai du mal à dire mi amor. Tout dans le game, j'arrive vite dans la mort. Ici, c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon car. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. Mon boss se parle pour moi. La sphère du cambouis sur les mains. Je viens préparer une courroie. Baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs. C'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. Je suis perturbée, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupée, je suis comme ça. Écoute le son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Ce refrain, cela peut t'apaiser. Yeah, Lily, je me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais genouillé. Concert au Hebs, les frérots préparent la chauffe. Des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, donne toujours une petite pièce sur une plage. Prends l'Espagne, j'fais la sieste. On fracture les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons d'eau. J'ai jamais vu le talent, j'fais une gaousse, ça parle galage. J'suis perdu, j'suis en décalage, j'finis riche dans un palace. Rimka Joule, t'en parles sans tes genoux. Rimka Joule, t'en parles sans tes genoux. Rimka Joule, t'en parles sans tes genoux. Comme ça, mec. T'entends le son, t'es genouillé. Comme ce mec qui rentre en cagoule pour fumer. Olé, man, j'suis avec ma team sur Panam. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le cana. DJ Kai, ça t'a haute, t'as la tête même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. DJ Kai, j'ai les idées en place, parfois je dérape. Un album est dans les bacs, lundi 25 août, ici. C'est dans mes habitudes, j'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées, j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enjaille toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. J'suis perdu, j'vois des choses qui font pas. DJ K, dites-moi ce qui ne va pas. Paris Oran New York, dites-moi ce qui ne va pas. DJ K, hey, il est dans les bacs, la famille, faut aller le prendre. Rendez-vous ce lundi dans toutes les flaques de France. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais donné.

t'ambiancer. Dédicace à Hassan. Allez. Et ça aussi c'est dans Paris, Oran, New York. Sí. Eh, celle-là, c'est pour Fred. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce que tu perds la tête? Mais au fait quitter. T'aimerais que toi t'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges. Mais t'as pas trouvé la lourde. Ok ok t'as des nouvelles. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Faut pas avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. J'ai des saignées. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip hop qui te frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. J'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives en poney, moi je repars en jumeau. Une pour ma masse de clichés, la famille Tuna. Zim Zima, encore un son de Tuna. Tu te prends la tête avec ton survêt d'Hardy en latex. C'est dans le sang la tech, même quand jardine sans la selle. Je tape pas dans l'assiette, j'ai toujours un tabio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Faut pas d'avoir de la sape ou bien d'un. Et n'oubliez pas, je sais pas si ce morceau il est dans Paris, Oran, New York, en exclu total. Baby, dans les bacs, ce lundi 25 août. Ça prend des piges et des piges. Des décennies, DJ K. Faut pas d'avoir de la sape ou bien d'un marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Come on, boy. Ça va être la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un boy. Du swag, ça prend des piges et des piges. Dimanche soir, minuit à une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Centre du monde, j'ai une plus, le bilicus, je traîne tard, je ferme les boîtes, elle nous en bus, le CP4 et toi, le grand luxe, j'en vivrai à la crise, je sais pas plus, je crois en moi, je crois en toi, un peu de machin, j'en veux le mode d'emploi, je suis un homme de l'ombre, un enfant du soleil, qui a poussé dans le froid, on monte en grade sur thermomètre, on touche les étoiles, aperçoit les comètes, je prends tout, et là je suis formel, je suis fluide comme un 600 hermètre. Hey, ça aussi c'est une tuerie. Paris or en New York. À tous les Lillois, les Belges, la Bruxelles, ils sont là. Hey, Oujda, Saïdia, aïe. Rail suprême, avec DJ K sur Skyrock. Hey, ce soir, c'est la déguste, hein. Yo, Brit, sur la gym. Bonjour, ça plaît. Yo, Brit, sur la gym. Mal bourre à l'hôtel ratatam. Ram, gram, gram. Am, am, gram, gram. Picole, picole, tu te sens mal bourre à l'hôtel ratatam. Ram, gram, gram. DJ, envoie ma zig, je me sers un revêt. Oui, je me sers un revêt. DJ, envoie ma zik, je me sers un revêt. Oui, je me sers un revêt. Numéro 1 dans les clubs et les engins. Grosse pointure, loup boutin. On s'en va à la recherche du butin. Tu passes sans un. Y'a trop de talons dans les alentours. Et on ose se demander comment les rumeurs tournent. Génération Nabila, Bila, je suis pas dingue de toi, petite biatch, biatch. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal. Bourre à l'hôtel, ratatam. Haram, gram, gram. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal. Bourre à l'hôtel, ratatam. Haram, gram. C'est DJ Case, yes. Au platine. Gros big up à Amine, Amine Azouz, le Marseillais. Voilà. Avec nous. Voilà, là. Je suis venu vous ramener un peu de soleil. J'ai vu qu'il faisait pas très beau. Mais t'es fou, hein, cette semaine avec Paréo en New York, il faisait 40 mais... degrés. Voilà. Sur toute la France. Sur Skyrock. Dans Skyrock, il faisait 40 degrés. Ah ouais, mais chaud. À Paris, il faisait pas très beau. Ouais, mais ça, c'est les Marseillais. T'as vu, dès qu'ils viennent, ça va jamais. En tout cas, Fred, juste pour te dire que l'album, je l'ai écouté. Et toi aussi, tu l'as écouté. Il est vraiment très, très, très, très lourd. 25 titres inédits. Ça y est, c'est dispo depuis maintenant. Dispo, ouais. Digitalement. Et puis tout à l'heure, dans les bacs un peu partout. C'est ça. Paris Oran, New York. 25 titres inédits qu'on a pu découvrir. 0,99 sur iTunes. Et qu'on a découvert aussi depuis de nombreuses semaines dans Rise Supreme. Qu'est-ce qu'on a pu écouter d'ailleurs, Case? Des extraits, pas mal d'extraits d'ailleurs. On s'est mis le titre de Jnune, avec Rimka, Jul et Diesel. On s'est mis Hassen, la Sultana. On s'est mis du Rimka. Une petite série avec l'Algérino. Un petit peu de tout. Est-ce que tu veux faire d'ailleurs un point sur tes soirées, Case, sur ce qui se passe là dans les semaines à venir? À partir du 25 août, à partir de la sortie de l'album. Exactement. Alors là, mardi, je suis en Espagne à Loro del Mar, c'est en Londoner. Attends, je te dis ça. Ok, voilà. Jeudi 28, je suis au Sofitel à Agadir. Le vendredi 29, au Must à Marrakech. Le samedi 30, dans une boîte à Toulon. C'est ça, à Toulon. Ouais. Et il connaît le programme par cœur, hein, trop fort. Et tout à l'heure, je dirai la suite des dates. Encore. Bon, bah, en fin d'émission, on va revenir dans quelques minutes. Bougez pas, le retour de Rise Supreme avec DJ K. C'est après ça. La famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fan et me barrer tout l'été. Non, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de je suis déconnectée, je me mettrai sur répondeur tout l'été. J'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle caméra. C'est Rise Supreme Skyrun. J'efface mon passé maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge, donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle caméra. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec ma mère. Fais que sonner, désolé, je suis pas là. Hé hey gros, amant, tu vas parler. Et ton ma tête est malade. Hé, hey, aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, je vais kiffer. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes. ومناسي هي هبل راسيها انا بغيت نجيب ناسي ديما رو عندي فاسي Christian Grey, but please, baby, you can call me Christian Gris. I'll make you fall in love, I'm a thief with the heart. To me, it's an art. Baby, your eyes don't lie. I can see you want a little bit of me in your life. I can treat you like the princess you are, but behind closed doors, we can do it all. Ladies first, when I open doors, I got an open mind, let me open yours. You can come see me while I'm on tour, but till then, besito mi amor. Voyou comme José Anigo, mec de la night, mode de vie célibat. Les grosses qui te suivent, je pars aux Pays-Bas. Hein. Laisse-les dire que je suis mégalo. Je suis balotelli, je m'en bats les calots. Plus connu sur des beats au piano. Je pue le rap et la rue comme le Ralciano. Banlieusard, casino braqué. Yeah. Animaux traqués. Yeah. Vidéo Rastaman, plus de dos chez les stars que sur Instagram. Je fais partie de ces gens rares. Si je sors comme Jean Rock, c'est pour faire du genre. DJ Hamida, Paris la capitale, capitaine comme Eric Abidal. Yeah. On veut faire les plus beaux, même la nuit obligée de briller. Les soucis, les envies oubliées. Yeah, yeah, yeah. On veut faire des billets, même la nuit obligée de briller. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Choc, choc comme un clandos. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Et n'oubliez pas, l'album, il est dispo sur iTunes à 6,99€. Il est dans les bacs ce lundi pour la déguste DJ Kay. Seigneur, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes qui viennent à ma vie. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Seigneur, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes qui viennent à ma vie. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Je suis ami avec mes dernières Nike. Les gens me disent c'est bon que derrière le mic. J'ai changé mon décor en Ferrari, je drive. Marseille, j'ai fait deux tigres pleines mailles. Oui, c'est ailleurs. C'était le malheur, on ne fera jamais les macs. Je suis venu compléter les bacs. C'est du rap, on entre partout, ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. Connexion DJ Case, faut qu'on l'entende. Mes potes et moi, on veut voir la vie en banque. Je suis allé en lycée, moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, qui t'aiment à ma vie. Je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Je suis allé en lycée, moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, qui t'aiment à ma vie. Je me cherche encore. Je cherche encore, j'ai changé mon décor. Mon trésor, dans ma tête c'est le décor. Donnez-moi un peu, je m'en contente. Laissez-moi vivre, ta mort est d'eau fraîche. Femme, je te sors, t'es jamais contente. En plus devant les gens, tu fais trop ta fraîche. Oui, je m'affiche, comme si je m'en fiche. La tête dans les nuages, je pense à finir riche. J'ai trouvé le bonheur dans l'écriture et le son. Même si on n'est pas les mêmes, on pense ressemble. Je vis ma vie au jour le jour. En esquivant les mauvais tours. Oui, je vis ma vie au jour le jour. En esquivant. Cherche encore. J'ai changé mon décor. DJ Case. Mon trésor. Sur Skyrock. Rail Suprême. Je cherche encore. J'ai changé mon Paris, décor. Paris, Oran, Nure, Justin Record. Mon trésor. Allez. Ma tête, c'est le désordre. C'est la Gérino, Marseille. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Mon garde robe. Comme ça fait rien, tu peux toujours. Et le titre est dans Paris, Oran, New York. Grosse garde robe. DJ Case, Algérino. En Shaoui, en Kabyle, se sème. Ça fait même en Turc, Anana, se quème. Les jaloux, on le sème, on s'en bat les clèves. Nous, on a la classe. Ramasser des clèves. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous, on respecte, tu vas tomber sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Rahitati, tu connais pas la Gérino. La Gérino, prends de capitaux. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bico dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grosse garde robe. Ouais, pourtant je suis top, un vrai et jusqu'à l'heure. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde robe. Comme ça fait rien et que tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues. Je suis pas avec Biggie, Malik, foie gras, hlèl. Confiture de fig à la recherche d'une hlèl. Pas d'excès de sel, pas coupe dans le sel. Pas des fontaines de la veille. Je fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'en fichent, fais du bif, ils sont tous en les belles. Rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu agile. Grosse garde robe. Ouais, pourtant je suis ta fin frais. Et jusqu'à là, j'ai tout mon temps. Rolex au poignet. Grosse garde robe. Comme ça fait rien et que tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues. J'aime rouler toute la nuit. Que je gamberge de la nuit. Un petit nid. Hey, big up à Momo le Suédois, Marseille. Skyrock. dédicace à tous les Lillois, le 5-9 parmi nous. Quartier chic, oseille, attaque la c'est la ville. Haouss bik fi Dubaï, c'est sûr, allez, ben haï. Quartier chic, oseille, attaque la c'est la ville. Il est dans les bacs à partir de demain matin. Dans toutes les flaques de France, Paris, Oran, New York, pour aller le pécho la famille. Allez, on continue avec DJ Case en direct sur Skyrock. Wesh, Heda Hassan. Oyonnax parmi nous, Lyon. هذا ناري وفرقوك عليا وش هذا الفراق صعيب